l'élève que nous fîmes sur la pelouse du plus splendide champ du Cheshire, gise flétrie par ta main. En vain tentai-je de l'air animé. Notre amour fut un ruisseau tendre, mais maintenant que tu trouves fastidieux l'extase que nous partagions, c'est un puits noyant souvenirs et gémissements. La moitié du monde s'est obscurcie et l'autre a brillé depuis ton départ. 10 ans d'émotions virginales ne sont qu'un adieu abrupt. Nos voeux sur l'herbe d'un paisible champ du Cheshire furent brûlés par ta main. En vain risquai-je ma vie dans ces flammes. Notre amour fut un tendre ruisseau qui nourrissait oiseaux et bêtes. Nous leur apprîmes à jouir du vertige et de l'ennui. Maintenant c'est un bourbier qui noie la mémoire. Je ne t'irriterai plus de mon amour, ne résisterai plus à l'univers et ses desseins. Ici je rends ta bonté et ton espérance. Paisible chant du Cheshire.